ressemble de la plume, ne sont là pour rien. C'est déjà beaucoup. Rien de rien, c'est déjà beaucoup. Car il y a moins que rien. Là, c'est pire que tout. Là, c'est tout. Et puis quelquefois quand le sang se noue, que c'est-il parfois que le reste à genoux. Quand on sent là pour rien, que l'on nous manque, c'est tout. Et on fond des histoires pour si peu. Passer les rêves de on était six personnes et au final que reste-t-il de nous. Quand le sang bleu de la plume descend là pour rien.